famille, oli mama mie, elle est à mi joa, ou ma gel caraca pinto jam. Mamma mia, elle est dame.